Deuxième chapitre. Elle est si chère, cette rogue, grommela la Gadecque d'un ton de rancune. Au prix que le poisson, ça ne nourrit pas son homme, affirma Tréboule. Les bons temps ne sont plus, sermonna Balanec, se souvenant des fameuses pêches d'autrefois, alors qu'il y avait peu de fritures sur tout le littoral, moins de concurrence et moins de pêcheurs. C'était un concours de plaintes, de regrets, autour d'une trentaine de petites tonnelets en bois de sapin qu'on venait de débarquer sur le quai et qui étalaient sur leurs douves les lettres grasses timbrées en noir, Bergen. L'un d'eux, placé debout, quelques planchettes arrachées, montrait son contenu, l'empilement rose saumon des œufs de morue, encore enfermés dans l'ovaire, leur enveloppe naturelle, et formant des gousses couvertes d'une pellicule fine et grasse, huileuse au toucher. Un pêcheur s'approcha, fourra son gros doigt dans le grain serré des œufs, emporta quelques bribes à ses lèvres pour goûter la marchandise, tandis que, près de ses tonneaux pleins, une femme d'un certain âge, grisonnant sous sa coiffe blanche, la propriétaire du chargement, faisait l'article. « Il n'y a pas meilleur, tout ce qu'il y a de bon et de frais, je t'en réponds. Aussi, mon fille, on en mangerait. »« Possible, » fit l'autre sans entrain. « Mais 70 francs aussi, c'est un prix. Crois-tu qu'on les donne pour rien en Norvège ?» Une discussion s'engageait maintenant entre Maradour et Lagadec. Le boucher assurait. « Moi, je te dis que j'en ai mangé sur mon pain en tartine et que c'est fameux !» Balanec intervint. « Des œufs de poisson, après tout, c'est toujours bon. Sans compter que ça n'empoisonne pas la sardine, au moins, et qu'on a le temps de la porter à terre encore fraîche, tandis qu'avec votre strong, votre gueldre, votre farine d'arachide. » La femme se tenait le poing sur la hanche, verbeuse, la face colorée, une veuve qui avait plusieurs commerces, faisant aussi la sardine pressée en tonneaux ou en paniers pour la consommation des campagnes. En ce moment où la pêche commençait, où les premiers bancs étaient signalés, ayant fait venir du vieux port de Bergen en Norvège les premiers barillets de rogue de la saison, elle restait là, attendant les amateurs, irritant les convoitises autour de ce précieux appât qui coûtait si cher. Un groupe enveloppait le tas de tonneaux, d'où s'échappait une odeur forte, écœurante, qui dominait les autres émanations du port, pour l'instant à sec, à marée basse, et envoyant des bouffées d'air insupportables pour d'autres narines que celles des pêcheurs. Sous le soleil, en effet, une herbe verte, sorte de gluante mousse de mer, s'étalait par larges plaques, cachant à demi la vase noire amassée dans le fond. Au milieu de cette boue fétide, surtout aux abords des cales, des détritus de toutes sortes s'entassaient, se confondaient, sardines, maquereaux en partie rongées, coquilles vides, débris de homards, carapaces de langoustes, dormeurs aux pinces brisées, morceaux de chêne, bouts de câbles, chaussures, vaisselle hors d'usage, tout ce qu'on jette à la mer, dans les ports, comme à l'immense boîte aux vidures, le grand déversoir des ordures humaines. Tous les jours, c'est ainsi. La mer, la grande purificatrice, revenant régulièrement, balaye, absorbe la décomposition de l'humanité avec ses sels salubres, ses iodes, l'éternel mouvement de ses eaux. Là-dedans, entre les barques couchées sur le flanc, une marmaille pataugeant, jambes nues, à la poursuite des crabes, des petits poissons, ou faisant manœuvrer sur quelques flaques luisantes un canot grossièrement taillé, muni d'un mouchoir à carreaux pour grand voile. Hervé Guivarc, un peu séparé des camarades, oubliait la rogue, la pêche, les discussions. Penché là, sur le bord du quai, il suivait machinalement d'un œil soudain intéressé les jeux de ses bambins. Par lente bouffée, des souvenirs de son enfance lui remontaient au cerveau, glissant les uns sur les autres, se superposant à la manière des premières lames minces qu'on apercevait déjà, annonçant le commencement du retour de la marée, par ce temps de calme plat, et s'allongeant en insensible nappe d'huile, silencieusement. Lui aussi avait joué dans cette même vase poisseuse avec ceux de son âge, tous ceux qui, comme lui, avaient grandi, avaient vieilli, devenant des hommes. Mais tandis qu'un sort fatal le faisait grandir loin de sa patrie, dans la mêlée sombre d'une furieuse et souvent sanglante lutte pour la vie, les autres, après leur temps de service dû à l'État, étaient tranquillement revenus trouver leurs habitudes, leurs parents, leur ménage, leur coin de foyer, jamais déserté, jamais oublié. Une odeur plus âcre montait sous l'afflux de flots plus larges, de grandes poussées d'eau déferlantes en frissonnantes vaguelettes, et ils s'amusaient à voir les enfants s'ébattre, clamant des cris de joie, claquant la mer de leurs pieds nus, se poursuivant en se rapprochant de la cale. Il aspirait fortement les émanations amères avec une sorte de joie intense, comme s'il eût bu une vie nouvelle, un renouveau de sensations à cette forte mamelle de l'océan, lui versant au fond des veines une fraîcheur délicieuse qui apaisait l'incendie dont il était consumé. Tout disparaissait autour de lui, tout était oublié dans cette minute de jouissance absolue où il lui semblait renaître, se confondre dans un vertigineux embrasement avec le pays natal. Les mois d'hiver qu'il venait de passer avaient été atroces, personne n'en sut rien, comme s'il se fût appliqué à dérouter les curiosités, à empêcher toute investigation sur sa conduite, sur ce qu'il pensait ou faisait. On eût dit, durant ces sombres journées et ces nuits terribles, qu'il avait juré de justifier tous les soupçons de ses compatriotes à son égard, se montrant si étrange, si fantasque, d'humeur tellement variable, que les pêcheurs hésitaient à frayer avec lui, et que les hommes de son bateau ne restaient que parce qu'il les payait toujours, que la pêche fût bonne ou mauvaise, avec un étonnant désintéressement, les dédommageant des jours où l'on ne ramassait rien dans les filets. Par contre, il les emmenait en tout temps, ne paraissant craindre ni Dieu ni diable, luttant avec les mers les plus démontées, comme s'il eût pris plaisir à braver le danger, à provoquer cet océan qui, deux fois, avait failli l'engloutir. Puis il disparaissait des jours complets, parfois toute une semaine, et l'on ne savait quelle vie il menait, ni, au juste, dans quels endroits il allait. Tantôt on l'avait rencontré, à Douarnenez, dans des bagarres formidables avec ces grands gaillards de Douarnenésiens, les Russes comme on les nomme à Camaret, toujours à batailler, des disputes grondant perpétuellement autour d'eux, même entre eux, sur leurs coquilles de noix, où ils se dévorent ainsi que de vrais sauvages les jours d'ivresse. Tantôt il avait été vu à Brest, à Recouvrance ou dans le bas de la rue de Siam, courant les bouges à matelots, avec des équipages embordés. Des légendes commençaient à l'envelopper, soulignant, aggravant l'effet déjà produit sur les cerveaux camarétois par sa vie mystérieuse de naufragé, par ses aventures inconnues et par ce surnom, le revenant, que la superstition locale, après le lui avoir appliqué, dans un premier moment de surprise incrédule, trouvait merveilleusement adapté à un être aussi bizarre, aussi déconcertant. Parfois, après ses absences prolongées, comme pour se faire excuser, rentrer en grâce auprès de Marianick, dont la gêne auprès de lui augmentait, il rapportait à sa cousine quelques babioles ramassées dans les magasins de Brest, un foulard de soie, une ceinture, un joli cadeau que sa parenté l'autorisait à faire, mais que la jeune fille n'acceptait qu'avec un secret serment de cœur, y trouvant un muet engagement pris avec lui. En réalité, il pesait sur elle, sur ses pensées, sur son cœur, ainsi qu'un invincible et renaissant cauchemar. Non pas qu'elle sentît de vives répulsions pour lui, au contraire, c'était même de se sentir presque sans force, sans défense contre Hervé, qui la troublait davantage. Elle eût préféré le haïr. Chaque fois qu'il disparaissait, elle éprouvait d'abord un soulagement, pour se retrouver tremblante, indécise, doutant d'elle-même, toutes les fois qu'il revenait prendre place à la table commune entre elle et Yvonne. Toute la période hivernale, il en fut ainsi. Elle se trouva cahotée entre ses désirs secrets, la force qui la poussait vers le premier choix de son cœur, tonton Corentin, et cette espèce d'incroyable vertige dont les ardentes prunelles d'Hervé savaient l'envelopper, la saisir, l'entraînant malgré elle en un douloureux et séduisant gouffre de perdition. Si elle souffrit, si elle lutta, si son cœur se débattit furieusement entre les serres de cet oiseau de proie, qui s'abattait ainsi tout à coup des mers lointaines pour venir la prendre, du moins taillée dans le pur granit de sa race, Marianick eut-elle le courage de n'en laisser rien voir au sien, de ne pas le révéler même à celui qui en était la cause, et Hervé ne parvint jamais à lui arracher ni un aveu, ni le plus faible assentiment. Bien plus, en janvier, Corentin Garec ayant dû sortir encore avec le canot de sauvetage, lorsqu'un bâtiment norvégien fit côte au Vérillac, Hervé Guivard comprit bien, à l'émotion, aux craintes de Marianick, que jamais il ne l'emporterait sur cet humble héros, d'une vie si exemplaire, d'un dévouement si grand et si simple. Toute comparaison entre les deux hommes devait forcément tourner à son désavantage. De là, des découragements qui le poussaient à de véritables actes de folie, puis des lueurs d'espoir renaissant quand il voyait que rien ne changeait, que l'on ne parlait toujours pas de mariage, et que son ancien camarade semblait même éviter la maison du maître de port, depuis que lui, Hervé, ne la quittait presque plus. Dans ces crises, toute la boue des pays où il avait vécu remontait en lui comme la vase du fond d'une source profondément troublée. Sa sauvagerie augmentait, se traduisant souvent par des paroles à demi révélatrices, des allusions vagues qui faisaient ouvrir de grands yeux à Marianic, qui attirait jusqu'à l'attention de la pauvre Yvonne. Maître Pierre Guivard cochait la tête, lui qui avait vu du pays et des choses de toutes les couleurs. « Mon pauvre gars, tu as de mauvais souvenirs, que je crois. Qu'est-ce que tu as pu faire là-bas, hein ?» Hervé souriait, l'œil mauvais, battait la table de son couteau, marmottait. « Ta, ta, ta, j'ai fait comme les autres, pas plus. »« Pas moi non plus, dit, interrogeait l'oncle. Les paupières du jeune homme s'abaissaient sur ses prunelles trop vives, et il ricanait. « Gronde pas, tonton Pierre, je sais bien que tu es sans reproche, toi. » caressant le vieux marin de ce nom breton où semblait passer un souffle de son enfance. « Au diable, on a eu aussi quelques peccadilles. Tiens, un jour en Chine, j'ai attrapé une punition pour des affaires. C'est vrai de dire aussi que ce n'était guère de ma faute. Tu vois. » Mais Guivarc, emballé à la suite de ses souvenirs, allait, allait. « C'était dans une petite ville d'un nom en Drolindindin que je ne me rappelle pas pour l'heure. Il y en avait tant. L'assaut avait été donné d'un côté par les Anglais, de l'autre par nous. La chose est faite, et proprement, je t'assure. Tonton marche en exploration, histoire de flâner. J'avais assez de goût pour cela dans le temps. J'enfile une rue déserte, j'arrive à une grande place et j'aperçois un gredin de cipaye en train de dépouiller un Chinois et ses deux filles, très jolies les petites. » La tête chargée de bijoux, d'épingles. Le bandit arrachait la chair des mains du Chinois, tant il mettait de rage à lui enlever ses bracelets d'argent. Dame, que je me dis, c'est drôle cela, ça ne me paraît pas réglementaire. Je couche mon cipaye en joue en le menaçant de le tuer. Voilà-t-il pas qu'arrive un officier anglais qui prend parti pour lui? De quoi qu'il se mêle, celui-là? Qu'est-ce que tu aurais fait, hein? Moi, ni une ni deux, je le menace aussi, et voilà mes Chinois délivrés. Oui, mais après, toute une histoire. L'officier porte plainte. Il y avait rivalité entre Français et Anglais à tout moment. On ne voulait pas envenimer les choses. Vlan, on me donne tort. Pour lors, mon commandant, pour me punir, me flanque à la garde du camp, qui était une corvée. Ha ha ha. Oui, oui, approuva le revenant. Je pensais bien, ça ne pèse pas gros sur le cœur. La chose semblait bien anodine à Hervé qui, sans doute, en avait de plus lourde sur la conscience et eût plutôt joué le rôle du cipaye en semblable occasion que le rôle du sauveur. On ne pouvait guère se le dissimuler. Cela transperçait sous la couche de hâle de son teint. Cela, à tout instant, crevait sa peau. Ce n'était plus le breton honnête et fier, le pêcheur camarétois comme Corentin Garec. C'était le coureur d'aventure, et s'il lui restait quelques-unes des qualités de sa race, il devait surtout avoir les vices, les violences des gens avec lesquels il était si longtemps resté, en Australie ou ailleurs. Il avait vécu, lui. Il n'avait pas la placidité saine et robuste de tonton Corentin. Son sang bouillonnait constamment, lui ôtant tout calme, toute patience, et alors, sous ses brûlures de perversité, il se sauvait, allait chercher, retrouver dans les endroits borgnes de la ville les boueux souvenirs d'autrefois, les fangeux oublis que verse la débauche et l'ivresse. Les yeux perdus au loin, regardant sans les voir les détails du joli port de Camaret, la chapelle écrasée contre terre, le fortin crénelé avec son toit pointu et ses angles savants, la ligne amusante des côtes courant capricieusement jusqu'à la pointe des Capucins, en une série de falaises et de criques pittoresquement découpées, il subissait ses récents et bas plaisirs, les remâchant avec une croissante amertume. Derrière lui, les conversations bruissaient, roulant des voix différentes, des interpellations, des plaintes, tous les griefs des pêcheurs contre la sardine qui frappaient vaguement ses oreilles, le mettant malgré lui au courant du commerce camarétois avec ses hauts et ses bas. « Des années tout de même qu'elle ne donne plus cette sardine. Oh, elle donne bien pour d'autres, pour les Espagnols, Madoué. Avant, les ports de là-bas ne pêchaient pas la sardine. » Maintenant, ils s'y mettent tous avec le Portugal, et eux, pas besoin de rogue pour la prendre. Ils n'ont qu'à jeter le filet. Ils les prennent à la Seine, c'est un vrai massacre. Voilà ce qu'il y a, je vous le dis, Aussi 3 et 5 francs le mille, tant qu'on veut, par là, affirma Balanec avec son autorité rude d'ancien. Comment lutter quand on la vend 32 francs à Douarnenez et 23 ici cette année? Peut-être bien aussi un déplacement de ce Gulf Stream qui ne viendrait plus effleurer nos côtes comme autrefois. Il y en a qui disent cela, opina Maradour, clignant ses yeux malins. La sardine, ça aime l'eau chaude, faut croire, comme une demoiselle à la peau fine. Tout change, que voulez-vous? Raisonna le vieux mareilleur. C'est comme pour les grands bâtiments. Avant l'envahissement général de la navigation à vapeur, on a pu voir, en rade de Camaret, de 300 à 500 bateaux de commerce. Alors il y avait un trafic considérable. Tout le monde riche, tout le monde gagnant sa vie. Maintenant, la misère, interrompit la Galec. Vaut mieux pas sortir que de jeter à l'eau 70 francs de rogue pour revenir avec 100, 200 ou même 1000 sardines. 20 à 30 francs à peine, hein? Qu'en dites-vous, tante Périnaïque? La marchande secoua la tête. C'est pas nouveau, mon fils. Il y a des temps de pêche et des temps sans pêche. C'est connu depuis que le monde est monde. Quand il y a trop, vous criez aussi, encore plus fort, parce que les usines sont pleines. C'est le pêcheur qui n'est pas raisonnable et qui veut trop gagner. Voilà. Eh bien, et les usines? Ça gagne donc pas, eh? Pas toujours, ricana la veuve, indiquant un grand bâtiment désert qui fait l'angle du quai de la route du Toulinguet, une ancienne friture tombée en faillite et ne trouvant acquéreur à aucun prix. Bast, il y en a d'autres. Pour une, elles ont parfois des 100 000, des 400 000 boîtes pas vendues et des frais qui courent toujours, qu'on pêche ou qu'on ne pêche pas. La discussion s'échauffait entre la Périnaïque désireuse de vendre sa rogue et les pêcheurs méfiants. « Ça nous regarde pas, nous, » disait Tréboule. « Les usiniers, peut-être. Pas la peine de crier comme un blaireau. Mais manger, si on gagne même pas son pain, encore si c'était comme Ancelotti ou Maître Guivarc nous racontait qu'on pêchait par millions, sans appât d'aucune sorte, rien que la peine de jeter ses filets. S'il n'y a pas assez, vous réclamez. S'il y a trop, vous réclamez encore. Pas moyen de s'entendre. Je vais dire que ça avait été de tout temps ainsi. Il y a 50 ans, il y a 100 ans et plus, à ce que m'a affirmé un patron d'usine, on se plaignait déjà des Espagnols. Tenez, voilà tonton Corentin, un homme raisonnable et de bon conseil. Demandez-lui plutôt. » Le patron du canot de sauvetage passait sur le quai, mais au lieu de se diriger vers le groupe, il continua son chemin, un sourire aux yeux, faisant de loin un petit salut de la tête. « Tiens, tiens, » remarqua Maradour, « il s'est fait fameusement beau aujourd'hui. C'est pourtant pas fête que je crois. » Il avait en effet ses vêtements du dimanche, un paletot court de drap bleu à tournure de vêtements de matelot, son béret neuf et un pantalon sans pièces. Arraché brusquement à ses pensées, Hervé Guivarc tourna la tête juste assez à temps pour apercevoir les larges épaules de Garec se balançant sous le radieux soleil de mai. Il allait d'un pas cadencé, solide, herculéen, l'air heureux, envoyant de ci de là un bonjour aux femmes qui tricotaient sur le seuil des portes, aux voiliers cousant à grand renfort de fil poissé. « Est-ce qu'il est de noces ?» questionna la veuve. « Oui, de la sienne peut-être. » Maradour se frottait les mains, rusé, flairant le vent de son nez en pointe. Tous regardaient, attentifs aux moindres mouvements de leurs camarades, et soudain, ils le virent s'arrêter devant le bureau du port, hésiter une seconde, puis monter les marches et disparaître. « C'est pas seulement pour les beaux yeux du capitaine qu'il a mis sa veste neuve, hein ?» demanda la Galec. Hervé Guivarc, un peu à l'écart, les poings crispés, fronçait les sourcils. Maradour le désigna du geste silencieusement. « Faudrait pas demander la chose au cousin, je crois qu'on serait mal reçus. »